monsieur, nous pas fait un bail. Imbécile. Ah, c'est ça qu'on voulait entendre. On est barré. On goûte ça, goûte ça. On est parti. Wap, maté bon d'or. Lolo, mais c'est toi, moi même fais bon. Papier, c'est histoire. En papier, casto, ouvert bon d'or. Qu'on m'a là-bas. Fais la bête, fais bulle. Bah écoute, spatule. Puis je t'encule. J'ai le matricule. Clap, clap, clap, je ne parle pas d'applaudissements. Quitte bon temps, chapé, qu'on prend l'auto reprogrammé. Tap, tap, tap, au coco dans ta quinquette. Ne me dis jamais, arrête, t'inquiète, laisse ton copie où il est. Gloup, gloup, gloup, Annie, si c'est moins qu'on floupe. L'entrée ton, si c'est épi, déguste et pop, doucement. Affaire wall, fidélité, sous tout la houka, si c'est moins, comme là. Goûtez ça, jeune femme, hein, hein. Baby. En ben vite à coucou noise. C'est dit que vous appelez par mes fait bon oui me descendre. Marqué crasé bon d'art toute la nuit, ma pas besoin personne. Marqué crasé bon d'art de janvier jusqu'à décembre. Baby, n'écoute pas les copines. Pas mes petites copines, ce sont des grosses coquines. Kin, kin. Les mains fouillées, bye. Avec moi tiré, bye. Il dit pep en cal, mais y'a pas de mal. Oui, tout caca, ou bien coucou n'a pété bon d'art. Mais y'en laisse ça, fait passer un glisse. Chérie, tout ça bénisse, quand un chie félice. Alice, tu sois mon pénis, viens dans les coulisses. Clap, clap, clap, je ne parle pas d'applaudissements. Quitte bon temps, chapé, bon, on l'auto reprogrammé. Tap, tap, tap, au coco dans ta quinquette. Ne me dis jamais, arrête, t'inquiète, laisse ton copie où il est. Gloup, gloup, gloup, Annie, si c'est moins qu'on floupe. Montrez ton, si c'est épite, déguste et pop, doucement. Affaire wall, fidélité, sous tout la houka, si c'est moins. Comme là, mettez one axe. Je sais que t'es ma fidèle pétasse. T'es chaud, toi. Tu crois qu'à t'entrer.